Cinquième partie, la condamnation. Nous sommes au tribunal. La présidente, Alain-Justine Crier, est assise à une table couverte d'un tissu noir. À 1 ou 2 mètres d'elle, à sa gauche, se trouve l'inspecteur Lenaz, assis sur une chaise. Le groupe des accusés est placé sur un banc à une distance similaire, sur la droite. Ce groupe est composé de Teuteur, Tabula et Mesurette. La défense a demandé l'audition de nouveaux témoins et nous accédons à cette requête. Et je ne comprends pas pourquoi. Vous allez bientôt le comprendre, inspecteur. Et merci de ne pas m'interrompre. Faites entrer le premier témoin, monsieur Lécroux. Il est pas là, il est grippé. Eh bien alors, le sieur Zong Zong. Entrée de Zong Zong. Spécialiste en arts martiaux. Sinon, dans mon boulot, je suis un ressort. Vous n'êtes pas clair. Vous pourriez préciser? La détente. Je me détends comme ça. Il fait des gestes de karaté. Et je bute sur l'ergot du cylindre qui entraîne la poulie, qui rembobine la courroie du lanceur. On retire sur la corde et c'est reparti. Oui, bon, épargnez-nous les détails techniques. Vous parlez d'un lanceur. Le lanceur de cette fameuse tondeuse qui a entraîné une réaction en chaîne conduisant à un incendie. C'est exactement ça. Désolée, madame la présidente, mais je ne vois pas le rapport entre cette histoire et la bande à Teuteur. Inspecteur, vous parlerez quand je vous donnerai la parole. Moi non plus, je ne vois pas le rapport. Pourquoi je suis ici? Il y a quelqu'un qui m'a dénoncé, c'est ça? Il montre la bande à Teuteur. Ça serait pas dans cette bande d'enfoirés-là, par hasard? Bipo, attention à ce que tu dis, hein! Mademoiselle Tabula, calmez-vous! Et arrêtez de paniquer, Mesurette! Je n'ai rien dit! Comment ça? Je n'ai rien dit! C'est elle, la balance? C'est ça, parce que je suis une balance en traite de balance. De quoi il parle? Mais non, c'est des conneries! Encore moins à eux, hein! Je suis pas bête à ce point-là! Encore moins à eux. C'est elle qui t'a balancé pour l'histoire du Minitel. Eh oui, je suis une balance, c'est pour ça que je m'appelle Mesurette. La bande à Teuteur se rue sur elle. Vous êtes content, hein? Vous l'avez, votre balance. Vous l'avez. Mesurette tente de s'enfuir dans les coulisses. Allez, messieurs dames, un peu de tenue. Sinon, je fais évacuer l'affaire. Comment ils ont deviné? Je n'ai rien dit. Retour de Teuteur et Tabula. Et c'est quoi ce marteau? Ah, c'est... On a retrouvé Toto! Tabula vient prendre le marteau sur le bureau du juge et le donne à Teuteur. Celui-ci, heureux de retrouver son vieil ami, l'installe sur le banc. Mais le marteau tombe. S'il ne se calme pas, je le fais sortir. Teuteur demande au marteau de se calmer. Chut. Alors, revenons à cette affaire. Zong Zong, cette réaction en chaîne qui a entraîné un incendie, est bien partie de vous. Non. Vous déclarez pourtant que vous êtes sorti de votre logement dès qu'on a ouvert le carter. Oui, Je suis sortie pour essayer de retrouver Jean Clipseau. Mais s'il n'avait pas disparu, je serais restée chez moi. Bon, j'en ai profité pour me dégourdir un peu. Il esquisse quelques gestes de karaté. Jean Clipseau. Qui est Jean Clipseau? Ben, c'est mon copain, le Sir Clips. Quand il n'est pas là, je ne tiens pas en place. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de lui pour être stable. Alors là, si on me l'enlève... Nouveau mouvement de karaté. Je pars en vrille! On vous l'enlève! Vous voulez dire qu'on a enlevé Jean Clipseau sous vos yeux? C'est en tout cas ce que vous avez déclaré à l'officier de police. Oui, la nuit d'avant l'incendie. Et seriez-vous capable de reconnaître le ravisseur? Sûrement, il était avec Loupiote. Loupiote? Ben, la lampe de poche. C'est une amie, alors elle a réussi à me l'éclairer. D'accord. Faites entrer les suspects. Entrée de Kelly, Kevin, Kylian et Kenza. Est-ce que le ravisseur est l'une de ces personnes? Zong Zong s'approche de Kevin. Eh bien, il y a du pansement qui me dit quelque chose. Et pas seulement le pansement, le bonhomme complet. C'est Kevin, le voisin, qui est venu se venger de la rallonge que sa femme avait tendue dans le fond du jardin pour qu'il se prenne le cerisier sur la tronche. Quoi? Oh, faites pas semblant, hein. Tout le monde est au courant. Au courant de quoi? Que Kelly trompe son mari avec le voisin et que son mari le lui rend bien avec la voisine. Quoi? Tu me trompes avec lui? Arrêtez! Tout le quartier est au courant. Même le sens interdit au bout de la rue. Ils m'en ont encore parlé hier. Faut dire qu'ils ne sont pas discrets. Ils n'y vont pas de main morte. Jusqu'à trafiquer les freins de la voiture. Kenza à Kylian. Trafiquer les freins de la voiture? Je m'en doutais, c'était toi. Bagarre des quatre amants diaboliques qui sortent peu à peu du cadre de la scène. Mais on continue de les entendre en coulisses. À laquelle vous assistez. C'est sûr, mais moi je dirais pas malveillance. Et vous diriez quoi? Tentative de meurtre avec préméditation sur la personne du conjoint pour mener la grande vie avec le voisin. Ou inversement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et vous dites que tout le monde est au courant. Vous voulez parler des objets? Pas seulement. Zong Zong jette un regard en biais vers le naze. Pas seulement. Donc des êtres humains. Qui? Zong Zong se tourne vers le naze. La police. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Que j'étais sur place? Bien sûr que j'étais sur place, puisque mon enquête sur les objets m'a ramené dans ce quartier. Et vous, qui prétendez savoir entendre les objets, et sans doute qui murmurez même à leurs oreilles, vous n'avez pas compris que vous aviez affaire à deux couples d'amants diaboliques en train de s'entretuer? J'avoue, je suis complètement passé à côté. Vous êtes passé à côté, encore une fois. Il n'était pas à côté, il était derrière. Il était derrière? Il était derrière Kevin. Vous voulez dire pendant le sabotage? Il a assisté au sabotage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il s'est caché dans un coin et il a pris des notes. Et puis il a regardé son crayon. Je crois qu'il essayait de le réparer. Mensonge! Je n'essayais pas de le réparer, je le surveillais. Vous assistez à un sabotage dont les conséquences vont être terribles. Et au lieu de m'empêcher, vous préférez surveiller votre crayon. C'était pas un crayon, c'était un stylo. Taisez-vous. Vous savez comment ça s'appelle, ce comportement? Non-assistance à personne en danger. Du moins en attendant qu'une enquête me détermine s'il n'y a pas complicité de meurtre. Inspecteur Lenaz, vous êtes en état d'arrestation. Tu as réussi à m'évincer, Totter. Mais il faudra quand même que tu répondes de l'appel à la violence et des propos haineux que vous avez proférés, toi et ta bande, envers l'espèce humaine lors d'une certaine réunion. C'est vrai, j'avais oublié. Qu'on attende un peu avant de l'emmener et qu'on fasse entrer le machin, là. Entrée de Pouette-Pouette. Non, non, vous n'avez pas le droit, il n'a rien fait. Silence, convenu. Fouette-fouette, c'est bien ça votre nom? Veuillez répondre à mes questions. Nom, adresse, profession. Silence de Pouette-Pouette. Vous persistez à ne rien dire. Et je suppose que vous n'avez rien à dire non plus sur votre présence lors du fameux coup de filet de l'inspecteur Lenaze. Et votre éclairage, où est-il? Cela confirme tous les témoignages. Vous êtes un être éteint, Pouette-Pouette. Au tempérament taciturne, enfermé dans un silence malsain. Oui, Teteur? On ne sait jamais ce qu'il pense, Madame la Présidente. Et c'est angoissant. Alors, on imagine ses paroles. On parle à sa place. Oui, Madame la Présidente. Le jour de l'arrestation, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Les paroles de complot, c'est bien nous qui les avons prononcées. Mais c'est lui qui les a pensées. C'est donc lui, le responsable de tous les problèmes. C'est lui, le cerveau de la révolution. Vous voyez ce que ça fait, le naze, de protester à tort et à travers. Non seulement vous allez passer votre vie à l'ombre, mais en plus, votre Pouette-Pouette chérie va être détruit publiquement. Non! Disons demain à l'aube. Non, vous n'avez pas le droit.